savais combien je t'aime, tu comprendrais que déjà, sans toi, tous les jours sont blêmes. Sans toi, il n'est plus de joie. Si tu savais ce qu'est ma peine, lorsque tu es loin de moi, et l'amour qui se déchaîne, rien que d'entendre ta voix, tant de désirs me font rêver, et ton sourire me laisse espérer le grand amour, la folie. Tu savais combien je t'aime.